Je sais qu'ils sont sur ma piste. C'est moi le prochain sur la liste. Juste un soir à l'opéra. Dans la salle lorsque c'est arrivé. Le chef lance le dernier mouvement. Ainsi commence le solo du violon. Le violon se lève. L'archer s'agite dans sa main agile. Qui a tiré? Personne n'a rien vu. Moi je sais, je les ai reconnus. Qui a tiré? Personne n'a rien vu. Moi je sais, je les ai reconnus. L'archer tombe, le violon tombe, le rideau tombe. On creuse la tombe. Juste un soir à l'opéra. Dernier violoniste. Je sais qu'ils sont sur ma piste. C'est moi le prochain sur la liste. C'est moi le prochain sur la liste. Je sais qu'ils sont sur ma piste. C'est moi le prochain sur la liste.